Vous les avez vus. Vous les avez connus. Le Macumba, le Zénith, l'Acropolis, les bains-douches, le pick-up, le palace. Et puis, il y avait la nuit des temps. Un club dans le nord de la France qui avait pour particularité de programmer des sons dans tous les sens. De la soul, du funk, de l'électro, de la disco et même du jazz. Chaque semaine, nous allons faire revivre l'esprit unique de ce club. Chaque semaine sur Radio Dio, nous allons rouvrir les portes de la nuit des temps qui, à la fin des années 70, avait créé sa radio, une radio pirate pour diffuser ses playlists. On rallume les amplis, ça grince un peu. On dresse l'antenne comme les studios de la RKO. Bienvenue dans la nuit des temps. La nuit est belle et froide. C'est l'heure de rouvrir les portes de notre bon vieux club. Le pylône de la RKO clignote sur la ville de Saint-Étienne. Bienvenue dans la nuit des temps. Auteure et musicienne française, Oclou, un pied à Poitiers, un autre à Paris, et encore un troisième à New York. Elle a produit, à mon sens, l'un des plus beaux EP de 2020, définitivement romanesque, comme une redéfinition de l'univers de Kate Bush, mais en plus radical. Oclou, O-K-L-O-U. En 2016, la rétro-wave fait des ravages avec ses nappages et textures sonores hyper années 80. Et parmi cette vague, un zozo tire son épingle du jeu du côté de San Francisco. C'est Cole Bennett, avec ses souvenirs de fin d'été, lorsque le soleil disparaît dans l'océan. Amour et cœur brisé, jeunesse et quoi? Elle est retrouvée, mais quoi donc? L'éternité dans une vague infinie de synthé. ans déjà, 10 ans que cette merveille de Juveniles publiait Strangers. Nous sommes à Rennes en 2013. La nuit des temps, Radio Dio. He was promised so much and given so little. Time will tell the story of it all. But the dark days are over, we're just like brothers now. Lucie Antune joue du vibraphone, des percussions et de la batterie. Jean-Sylvain Leguic, l'ex-chanteur des Juveniles qu'on vient d'écouter, lui, il joue des marimbas, du moog, de la basse et de la batterie. Ils jouent ensemble sur scène une drôle de musique à la lisière de sons répétitifs et du dancefloor. Nous sommes en 2021, ça s'appelle LNM et ça décolle vers la stratosphère. On reste en France avec Bon Voyage Organisation, mais direction la Chine et la grande ville productiviste Shenzhen. La nuit des temps, l'international de la danse. Ryuichi Sakamoto avait commencé dans l'électro à la fin des années 70 avec son trio devenu très célèbre, Yellow Magic Orchestra. Et puis après, il s'est lancé dans des albums solo entre dance, les musiques électroniques, des influences sono-mondiales et un amour immodéré pour Erik Satie. Mais c'est surtout avec les musiques de films qu'il a explosé dans le monde entier, dont le célèbre Furio en 1983, chef-d'œuvre réalisé par Nagisa Oshima avec un Sakamoto également acteur tombant amoureux du beau militaire américain interprété par David Bowie. Aujourd'hui, Ryuichi Sakamoto continue à produire des albums à la fois minimaux, ambitieux, classiques et absolument radicaux. Et c'est un beau renvoi d'ascenseur qu'offre cette année la crème des musiciens expérimentaux, de la pop et de l'électro, à une œuvre immense et protéiforme. Un extrait de la bande originale de Furio, Ryuichi Sakamoto et Electric Youth. Nous sommes à Tokyo entre deux périodes, 1983 et 2022. Furio, Ryuichi Sakamoto en 1983. Et justement, on va rester en 1983 en passant directement du Japon à la Belgique avec Lio. C'est notre power play de la semaine dans La Nuit des Temps, votre émission pour l'international de la danse. Mona Lisa. sait que tu es trop bien pour lui. Tu souris, l'amour c'est trop compliqué. Et puis ça t'ennuie, tu souris, tu entr'ouvres tes lèvres. I've been road running, chasing the sun on my Forrest Gump shit. I boost on my way to the morning. Never know what's coming next, but the signs on the left, they keep me where I'm going. I feel the cold weather watching my breath, picturing us and how we burn like a slow cigarette. So good but bad together, stunned with my hand on a gun, cause I thought you would be the one. It's not what I wanted to see, but I can't look away. I hope you thought I was happier than I am today. The bar's full of the scars from every time we went, so I don't go there on the weekend, weekend. Na na na na na na na na na na na na na. I'm coming back here cause it takes me to that time we disappeared at the club on a Tuesday night. The way we looking at each other, well aware that it's a bad idea. You tell your friends you're leaving, my friends can read my mind. They know if they don't see me, I'm with my lonely vibe. It's not what I wanted to see, but I can't look away. I hope you thought I was happier than I am today. The bar's full of the scars from every time we went, so I don't go there on the weekend, weekend. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Tout de suite dans la nuit des temps, direction Los Angeles et The Internet. Running. Nous sommes en 2013, c'est produit par Mike Enzinger, un pote à Pharrell Williams. Nous sommes à Bruxelles en 1978 et Radio Cité émet pour la première fois sur les ondes uniquement le week-end. Cette station 100% musicale révolutionne le format radio en proposant une programmation hors norme, efficace, audacieuse. Parmi les nouveautés, on retrouve la playlist, l'album du week-end et le super favori, autrement dit le power play. Que nous avons outrageusement repompé dans la nuit des temps. Radio Cité, c'était aussi un son rond, un son chaud, chaleureux, réglé par des dingues de la technique radio. Radio Cité a été créé par Marc Moulin, créateur d'un groupe célèbre, électro et belge, qui s'appelait Telex. C'était aussi le producteur des Sparks. En 1980, alors que Radio Cité cartonne sur Bruxelles, il produit Lio et ce fantastique Sage comme une image. Lio, powerplay de la semaine, évidemment. Chambre, distraite, je contemple téléphone. c'est vraiment gentil d'avoir pensé à moi. C'est vraiment gentil d'avoir pensé à moi, mais je suis sage comme une image, sage comme une image. Orienté à la page, pas pour ton visage. Je suis sage comme une image, sage comme une image. Orienté à la page, pas pour ton visage. Si parfois je m'ennuie, ce n'est pas vraiment grave. Les petites filles modernes ne pleurent pas car elles savent. Elles préfèrent jouer seules et apprendre à mener le jeu comme elles le veulent. Tous les disques que j'aime me parlent et me protègent. Il n'y a qu'à les jouer pour que la nuit s'abrège. Les poches et te défilent. J'aimerais assez pouvoir être comme elle de papier glacé. Pouvoir être comme elle de papier glacé. Je suis sage comme une image. Sage comme une image. Orientée à la page, pas pour ton visage. Je suis sage comme une image. Sage comme une image. Orientée à la page, pas pour ton visage. Je suis sage comme une image. Sage comme une image. Bruxelles, Paris, New York, avec Lizzy Mercier-Desclous, probablement l'une des artistes qui a le plus révolutionné le son dans les années 80 en France. Nous sommes en 1979 et sa reprise de Mission Impossible, composée par Lalo Schifrin, est produite ici par Michel Esteban, qui partageait son appartement new-yorkais avec Patti Smith. Et justement, Lizzy Mercier-Desclous est absolument géniale. certes aux États-Unis, mais cette fois-ci dans le New Jersey. Nous sommes avec Kerry Chandler, qui vient d'une famille plutôt cool de musiciens de jazz, et il a façonné les sons Deep House des années 90. Il joue toujours aujourd'hui dans les clubs, en se mettant lui-même parfois au piano, et c'est aussi le boss du label Madhouse Records. Nous sommes en 2018. Keep Me Inside. La nuit des temps. Radio Dio. Inside. Tonton Kerry. Tonton Kerry Chandler. Peggy Goo, elle, elle est née en Corée du Sud. Et là-bas, eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait pendant toute son enfance et son adolescence? Elle écoutait des sons qui venaient du monde entier. Elle a ouvert grand ses oreilles. Et même plus particulièrement, elle était branchée sur la house européenne. Les petites flûtes que nous entendons, là, par-ci, par-là, c'est un hommage direct au Suonaltino, un son Italo House super célèbre en 1989. Aigo, Peggy Goo, nous sommes en 2022 et c'est remixé par les excellents Salwax. installe ses machines. Dans quelques minutes, c'est comme à la radio, duo. Maintenant temps de refermer les portes de ce bon vieux club de la nuit des temps. En ce 9 février 2023, nous avons reçu Oclou et son groove tout doux, les vieux synthés de FM 84, comme son nom l'indique, avec de la FM dedans et de 1984. Il y avait également Jean-Sylvain Le Guic en double dose, d'abord avec son ancien groupe, les Juvéniles, puis en collaboration avec la jeune et aventureuse Lucie Antune. Bon voyage organisation ou bien l'âme vagabonde de jeunes oiseaux français un peu branchouilles qui changent de destination à chaque album. Le taulier japonais Ryuichi Sakamoto, ici revu et corrigé par Electric Youth. On avait également l'indispensable Lio et Jerry des années 80, mais surtout belge et magnifiquement produite par Marc Moulin. Autre figure féminine, la défricheuse de la French pop dans les années 80 est l'un des secrets les mieux gardés pour les jeunes générations qui restent à découvrir dans vos collections de vinyles ou de CD ou en streaming, Lizzie Mercier Desclou. Le pape Karine Chandler était également parmi nous et on a terminé avec Peggy Goo et son électro qui bastonne. Et là pour se dire au revoir, là tout de suite, un autre pape, mais cette fois des musiques de films de Brian De Palma, c'est Pino Donaggio. Et c'est sur ce prélude, extrait du film Blowout, remake du génial Blowout d'Antonioni, que l'on se donne rendez-vous sur Instagram, pour les podcasts avec La Nuit des Temps 2, et ou alors sur le site de Radio Duo, encore plus simple, pour pousser discrètement les portes de ce vieux club un peu oublié lorsqu'il n'y a personne. Bon, on appelle ça un podcast en fait. On se retrouve la semaine prochaine, 21h, sur le 89.5. Restez bien sur les ondes et les bonnes ondes de Radio Duo avec les machines infernales de Comme à la Radio Duo. Dans quelques minutes, juste le temps de tout installer. Salut! Mm-hmm.